vois l'argent sale qui m'appelle. Je me souviens du Yankee de la veille. À minuit, je réclamais ma paye. Je suis sentimental quand je vis de la taille. J'ai grandi sans mon père, c'est réel. Je voyais mes débuts au Real. De Aubert à Lyon, c'est pareil. Quand faut faire du bif, on est hâte. C'est pareil quand on a les gros. Mais c'est pas pareil quand on a les lauves. On s'aimera tous autant qu'on est pauvre. J'ai le sourire, je me rappelle quand je revois l'étoffe. J'ai des photos qui parient sur Nadal. Les paris, ça paye pas, passe par la cheminée. Ils étaient pas là quand ça allait mal. Je fais confiance à toi et les autres, c'est terminé. Et dis-moi pourquoi je vais skier les balles et les appels de maman. Parce qu'on a grandi dans le sale, parce qu'on a grandi dans le sale. Dis-moi pourquoi je leur veux du bien, ils me veulent du mal. Est-ce qu'on s'en sortira? Malgré ça on est là. Et je vois l'argent sale qui m'appelle. Je me souviens du Yankee de la veille. Tout ça on y a posé. Du 93 au 69 c'est la même. Et je vois l'argent sale qui m'appelle. Je me souviens du Yankee de la veille. Tout ça on y a posé. Du 93 au 69 c'est la même. Je suis déboussolé. J'ai ma peine sur au parleur, mon frère, oh, j'ai tout donné. La chance revient pas dans un quart d'heure, c'est maintenant qu'faut tout voler. Y'a plus rien pour me raisonner, bah, mon cœur est bétonné. J'ai crié ma peine sur au parleur, mon frère, oh, faut tout donner. C'est maintenant qu'faut tout donner, si on nous donne la frange, on va tout voler. Patron, pas de bénévolat, en cas d'arcaille, on peut venir sauter tes volets. Honda, Ipsa, DV, j'te capte après, GRTV. Que j'aurais pas fait pour du violet. Aujourd'hui ouais. J'fais du rap, y'a deux ans. Et y'a plus de solution, les balles trinquent, panique, les vrais planifient. Les faux pas mifiés, j'compte trop sur la MIFA. T'es dans la fiction, tu grattes les codes wifi. Nous on fait du peur, pour le reste on verra. Poto, j'ai qu'une parole, on parie, c'est Kaira. Oh, des sales histoires dans les parages. Oh, pas trop de temps pour penser au mariage. En plus elle est pas là. Et dis-moi pourquoi je vais skier les balles et les appels de maman. Et parce qu'on a grandi dans le sale, parce qu'on a grandi dans le sale. Dis-moi pourquoi je leur veux du bien, ils me veulent du mal. Est-ce qu'on s'en sortira? Malgré ça on est là. Et je vois l'argent sale qui m'appelle. Je me souviens du Yankee de la veille. Tout ça on y a pour l'hôtel. Du 93 au 69 c'est la même. Et je vois l'argent sale qui m'appelle. Je me souviens du Yankee de la veille.